السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. Ça fait plaisir de reprendre ces dolos après cette interruption qui elle était due à, au jour du Eid, afin que les gens aient le temps de pouvoir en profiter, les célébrer le plus possible. Et dû à certaines de mes occupations qui m'auraient empêché d'être régulier dans ces dolos durant ces jours-ci. Non. Donc là, on va poursuivre. Bifadlillahi ta'ala, toujours dans le livre. Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurrat Uyun al-Akhyar fi Sharh Jawami' al-Akhbar li Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Imbab al-Faida, on peut dire al-Sa'di, on peut dire al-Si'di, car son grand-père s'appelait Si'di. Donc si des fois vous voyez Si'di, ce n'est pas une erreur. D'accord ? On peut dire al-Sa'di et al-Si'di, et al-Sa'di, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Non. Tayyib. Donc la dernière fois, on a pris les hadiths qui concernent les droits du musulman. Tayyib. Et également que le musulman, lorsque il est habitué à faire certaines œuvres, le jour où il ne peut les faire pour une excuse, que cela lui est compté comme étant continu. Bien que le hadith, on a expliqué, le hadith en lui-même était discutable, mais le jugement qui en découle, lui, était effectif. Non. Donc là, on va poursuivre dans al-hadith al-hadi wa thalathin, 31e hadith de ce kitab. Yaqul an Abi Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تدعونه عن رقابكم متفق عليه. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit de se hâter avec la janaza, qui est le cortège funéraire. Et là, il parle de du fait que lorsqu'on transporte la dépouille vers le cimetière. Donc il a dit, si jamais elle est pieuse, alors c'est vers un bien que vous l'emmenez. C'est-à-dire cette personne que l'on transporte, c'était une personne pieuse, en allant vite, on la porte vers un bien. Donc on se précipite à le faire. Et si jamais elle est autre que cela, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pieuse, alors, on fait vite de se débarrasser de ce que l'on transporte sur nos épaules. Donc, dans les deux cas, il faut faire vite. Et le hadith, il est apporté par Bukhari ou Muslim. Tayyib. Yaqulu hadha al-hadith muhtawin ala masail usuliyya wa furu'iyya. Donc, ce hadith, lui, il comprend des questions qui sont, elles, fondamentales et d'autres qui sont, elles, parallèles, des branches. فقوله أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التهجيز. Donc se précipiter avec la janaza, qu'est-ce que cela veut dire? Cela inclut plusieurs choses. Déjà, se précipiter à laver le corps, puis à l'embaumer. Le takfin, c'est le fait de mettre le kefen. Le kefen, c'est la seuil funéraire, ce grand revêtement blanc dans lequel on embaume le corps. Également, cela inclut le transport de cette dépouille et son enterrement. Tout cela rentre dans ce jugement de se précipiter, de faire vite. Et tout ce qui emmène à préparer tout cela. وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِي الْأُمُورُ مِنْ فُرُودِ الْكِفَائِيَّ. Donc toutes ces choses-là, comme une cité, rentre dans les obligations communes. C'est-à-dire, si certains s'en occupent de façon suffisante, alors les autres n'ont pas à le faire. D'accord? Que ce soit également la salat, et tout ce qu'on vient de citer là, si certains seulement s'en chargent de façon suffisante, alors les autres de la communauté n'ont pas à le faire. Par contre, si personne ne le fait, toute la communauté, elle endosse le dhanb, le péché. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا أَلِسْرَاعِ إِذَا كَانَ أَتَأْخِيرَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ إما أن يموت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته لألا يكون قد أصابته سكتة. Après, il y a des choses qui font exception à cette règle, qui est de se précipiter avec le corps, qui parfois demandent de tarder un peu, lorsqu'il y a un intérêt derrière, un intérêt concret, maslaha rajiha, une chose concrète qui en résulte, dont on a besoin. Comme par exemple, une personne qui serait amenée à mourir soudainement. D'accord ? On ne se hâte pas de l'enterrer, car il se peut que ce soit juste, un coma ou quelque chose qui ressemble à la mort, qui n'en est pas. Et après, on se mettra à enterrer la personne vivante, sans s'en rendre compte. Donc des fois, il y a des conditions, des circonstances de décès, qui demandent d'attendre un peu, de pas se précipiter. De bien s'assurer que la personne est bien morte. Taïeb ? Hada. Ou également, des fois, ça peut être une chose que l'auteur ne dit pas, mais que j'ai déjà entendu dans ma chère cité, de s'assurer de la raison, de la cause du décès. Si ce n'est pas un meurtre, parce que ça demande des droits. Des fois, il y a des gens, ils meurent, il y a des causes derrière. Peut-être qu'il a été empoisonné, peut-être qu'il a été... C'est une mort qui a été camouflée ou autre, un meurtre qui a été camouflé. Et si on l'enterre vite, et qu'on ne cherche pas les indices à travers son corps ou à travers les éléments qu'on a à portée de main, il se peut qu'on puisse rendre justice. Donc des fois également, ça amène à tarder un peu. D'accord ? Il y a des circonstances atténuantes à prendre en compte. Mais cela sont des exceptions. Là-bas, c'est qu'on doit faire vite. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضرة من له حق عليه من قريب ونحوه. Également, des fois, on peut tarder avant de faire tout cela, du moins la salat et l'enterrement, pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui viennent à la salat. Par exemple, des fois, quelqu'un, on dit qu'il est mort dans la nuit, à 2h du matin, alors il est mieux d'attendre le fajr, là où les gens se réunissent pour la salat, pour faire la salat janaza sur lui. Car à 2h du matin, on ne va pas avoir grand monde. Et ainsi de suite. Ou si on sait par exemple qu'il y a d'autres janaïs qui vont suivre, pour tout faire en même temps. Ou également pour permettre à des gens parmi ses proches de pouvoir être présents. Ils sont loin par exemple, ils veulent faire salat sur leurs proches défunts. Le temps qu'ils arrivent, on leur laisse le temps d'arriver, donc à ce moment-là, on peut tarder un peu. وقد عللها ذلك بمنفعة الميتة لتقديمه لما هو خير له من النعيم أو لمصلحة الحي بسرعة في الإبعاد عن الشر. Tout comme les causes de précipitation sont celles qui apparaissent dans le hadith pour pouvoir permettre à ce mort de pouvoir enfin savourer les délices qui l'attendent s'il était une personne qui les méritait. Ou, comme dans le hadith le cite, que les gens vivants puissent se débarrasser du mal de cette personne-là une bonne fois pour toutes. وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه من ديون وحقوق عليه فإنه إلى ذلك أحوج. Et ce jugement qu'on vient de citer là par rapport à sa préparation, si cela est valable de se précipiter pour cette préparation, alors a fortiori à plus forte raison, de se précipiter à faire en sorte de décharger les droits de ce mort. Par exemple, s'il avait des dettes, de les rembourser au plus vite. Mathalan. Et autres. Cela également, on doit faire très vite. Car la dette, c'est parmi les choses qui empêchent le mort de rentrer au Jannah. La dette est une chose qui fait obstacle. Et donc, il faut vite s'assurer que la personne n'avait pas de dette, et si elle en avait, si elle avait de l'argent qu'elle a laissé, de prendre de l'argent qu'elle a laissé pour pouvoir rembourser les dettes, et si elle n'avait rien, alors après, c'est au gouverneur de sortir de Bayt el-Mal, de l'argent trésor public des muslimines, et s'il n'y a pas, alors que des gens parmi les gens de bienfaisance s'avancent pour pouvoir faire aumône et rembourser ses douyounes, ses dettes, s'ils le peuvent. Déjà, en premier lieu, ce sont ces aouliyés qui doivent le faire, ses proches. Et s'il n'y a personne ou quoi, que des gens qui ont les moyens de le faire, le fassent, ce serait que de la récompense pour eux. Donc, cela montre qu'il faille donner beaucoup d'importance à notre frère musulman, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. وقال والحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في حالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. Et cela incite à s'éloigner des causes du mal, en s'éloignant des gens du mal. D'accord ? Car regardez, même là, une personne de mal que l'on transporte, on doit vite se débarrasser de son mal. Alors qu'en est-il des vivants ? Ce hadith est une preuve également qu'il faut se hâter de se précipiter, ou plutôt se précipiter, à s'éloigner du mal. Que ce soit des hommes, que ce soit des environnements, que ce soit des situations. La base dans tout ce qui est adoration, qui amène à une récompense ou qui évite un mal, c'est la précipitation. Quand on a un acte de ribada à faire, on a un texte, un dalil qu'il faille l'accomplir, la base, c'est qu'il faut le faire vite. Parce que des fois, on leur dit, fais telle chose, oui, je prends mon temps, je réfléchis. Là, on dit, il y a des choses, il n'y a pas besoin de réfléchir. T'as un dalil, t'as besoin de les faire, fais-les dès maintenant. Tant que c'est pas une chose qui est liée à un temps précis, quoi. Par exemple, le hajj. Quelqu'un, il a l'argent pour le hajj, là, il va pas dire, je pars demain. On dit là, le hajj, c'était il y a quelques jours, c'est fini, là. Faut que t'attends l'année prochaine, par exemple. Mais les choses qui sont générales, qui n'ont pas un temps prescrit, qui peuvent être accomplies à n'importe quel moment, et que la personne est en mesure de le faire, on dit, fais-la dès que tu peux. Hâte-toi de la faire, car tu ne sais pas si tu vas pas mourir, tu n'auras pas un empêchement par la suite. D'accord? Ne dis pas, je réfléchis, je prends mon temps, là. Wastabikul khayrat, comme le ta'ala. Et précipitez-vous à accomplir les bonnes actions. Il en est de même pour éviter les choses du mal. De laisser les péchés, ou les choses qui amènent au péché, ou les gens du péché, et réel zalika. Wa fi hadha al-hadith ithbat na'im al-barzakh wa 'adhabihi. Et ce hadith vient pour affirmer l'existence de cette vie intermédiaire, le barzakh, ce qui a lieu après la mort, dans la tombe, qui s'y trouve châtiment ou délice. Comme on en a parlé déjà auparavant, dans le kitab, 200 questions-réponses. D'accord? On a parlé des adillah qui prouvent que dans le tombeau, on peut être soit châtié ou soit être dans les délices. Cela dépend de la personne par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith vient confirmer cela. La personne, si elle est bien, tu l'amènes vers les délices, donc précipite-toi de l'y emmener. Si jamais c'est une personne de mal, alors dépêche-toi de l'emmener vers ce qu'il attend comme mal pour qu'elle paye le mal qu'elle a fait, et également que toi tu te débarrasses de son mal. Non. وفي هذا الحديث أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه. Donc là, comme on vient de le dire. Et lorsqu'il dit فإن كانت صالحة, donc si elle est صالحة, صالحة qu'on traduit par pieux, vertueuse, ou toutes les choses qui amènent un bien, ça vient du mot صالح. Et صالح, c'est quoi? L'auteur il cite comme étant كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فهو تصديق الخبر والامتثال وامتثال الأمر واجتناب النهي. Donc c'est quoi صالح à la base? C'est un mot d'ensemble qui inclut le fait de croire ce que dit Allah Azzawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à Allah et à son messager, d'accepter toute information authentique provenant de la religion, et d'observer les ordres, et d'éviter les interdits. Ça rentre là-dedans à salah. C'est un mot qu'on traduit par piété, par virtuosité, par réforme et par autre. Et ar-rajul as-salih, al-mar as-salihah, l'homme salih ou la femme salihah, Cheikh Al-Othaymeen l'a dit, c'est celui qui rend le droit à Allah et le droit des gens. Et c'est une personne qui est salih. C'est une personne qui rend le droit d'Allah Azzawajal, et bien sûr celui de son messager, et le droit des gens. Donc il n'est pas injuste. Ada Ashmel. Donc toute personne qui n'entre pas là-dedans, elle n'est pas salih. Une personne qui aurait une aqida qui est fasida, une mauvaise croyance, car c'est-à-dire qu'il n'aura pas cru en tout ce qu'il faut croire. Il aura fait des changements. Donc lui, il n'est pas salih. Tu verras un mot pour te dire, même tu le verras faire salade de la nuit, toute la nuit, jeûner tous les deux jours, faire des aumônes de sommes astronomiques et faire des actes de bien en apparent, si sa croyance n'est pas droite, il n'est pas salih. Car de base, il n'aura pas cru Allah et son, dans ce qu'il aura informé dans son livre, comme il le faut, et ni il n'aura obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam en évitant les innovations et les croyances erronées. Donc il n'est pas salih. même si un autre juif fait un grand bien, il n'est pas salih. Non. Donc là, voici ce qu'on a pris comme règle, en résumé, par rapport à ce hadith. ثم نأخذ الحديث الثاني وثلاثين 32e hadith. Et lui, il est relatif aux règles de la zakah. Donc on va les prendre de façon concise et résumée, inshallah. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوثق من التمر صدقة وليس دون خمس أواق من ورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة متفق عليه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Sa'id al-Khudri, qu'il n'y a pas en dessous de 5 awsaq de tamr. On va expliquer c'est quoi les awsaq, ne vous inquiétez pas. Là on laisse le terme en arabe, et dans l'explication du hadith, on va dire qu'est-ce qu'il en est. C'est un dosage. Donc en dessous de 5 awsaq de date, il n'y a pas de zakat à payer, par rapport à la date, par rapport aux dates. Ensuite, il n'y a pas en dessous de 5 awaq. Awaq, c'est une quantité d'argent d'aumône à payer. Et il n'y a pas en dessous, moins de quelqu'un qui aura moins de 5 chameaux, il n'aura pas d'aumône à payer par rapport à ses chameaux. Et le hadith, il est mutawakkhun alayh. Donc déjà, ce hadith vient démontrer le côté indispensable de l'acceptation de la sunnah. La bud min intiba'a sunnah. Car les versets relatifs à la zakat dans le Coran ne sont pas détaillés. Ils sont généraux. Et la zakat, elle a des règles. D'accord ? Il y a des règles. Et ces règles, sans la sunnah, on ne peut pas les connaître. Et également, le hadith le plus général sur la zakat, c'est un hadith, en fait c'est pas un hadith, c'est une recommandation. Et quand on dit recommandation, c'est pas trop approprié parce qu'en fait c'est un mot c'est plutôt une chose qui sera obligatoire. Mais c'est une chose, c'est une lettre que Abou Bakr il a écrite, dans laquelle il dit avec précision les quantités et les mesures et les éléments à prendre en compte pour payer la zakat. C'est une lettre qu'il a écrite et qui a été rapportée par Bukhari et Muslim. Donc cela également implique le suivi des salafs. On doit prendre du Coran, on doit prendre de la sunnah avec la compréhension des salafs. Ça c'est irrémédiable. Indiscutable. Et indispensable. Celui qui n'aura pas cela va s'égarer. D'ailleurs, il ne sera pas une personne salih. Comme on l'a dit tout à l'heure, parmi les conditions de salih, personne qui est salih, celui qui ne suit pas ces trois choses-là, véridiquement, sincèrement, équitablement, il va se perdre dans la religion. Il va se perdre. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Coran, sunnah, à la femme salaf salih. Ces trois éléments indispensables pour avoir une bonne compréhension de la religion. Donc ce hadith vient pour montrer les ansab. Les ansab, c'est le seuil à atteindre pour payer la zakat, dans les choses dans lesquelles on paye une zakat. Donc il y a awalan al-hubub wa-thimar, les graines et les thimar. Là-dessus, les ulama, ils ont beaucoup divergé. Quelles sont ces graines? Quelles sont ces thimar? En réalité, dans un hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az prendre les zakawats des gens, il lui a dit, par rapport au thimar ou hubub, il a dit de prendre quoi? Al-sha'ir, wa al-bur, wa al-tamr, wa al-zabib. Il n'y a que ces quatre-là qui ont été nommés. C'est-à-dire, le froment, l'orge, sha'ir c'est l'orge. Le blé, donc ça sont les graines, d'accord, Et les simars, c'est les dattes. Les dattes et le raisin sec. C'est tout. Après, il y a des ulama, ils ont dit, non, toutes les graines, on les prend par qiyas, par analogie, comme le riz, comme le, tout ce qui est haricots, les pois chiches, les choses qui sont sèches, elles rentrent dedans. Taïeb. Mais en ce qui concerne les fruits et les légumes, il n'y a pas de sadaqa dedans, il n'y a pas de zakat dedans. Donc cette divergence, on en sort comment par ce hadith de Mu'az ibn Jabal? Ces quatre choses-là ont été textuellement nommées. Donc la vie authentique, c'est que ce sont ces quatre-là. Le blé, l'orge, les dattes, d'accord, et le raisin sec. C'est ça les simars et les houboub. Donc ces choses-là, il y a une zakat à en sortir. Après, il y a également les maohashi, le bétail. Le bétail. Et cela ne concerne que bahimat al-an'am. Ce sont les mêmes animaux qu'on a cités pour le sacrifice, pour le Eid. Qui sont chameaux dromadaires, les ovins et les bovins. Hadha. Ce sont les mêmes. Les autres animaux ne rentrent pas dedans. Les poules, les chevaux, les canards, les autres animaux qui sont élevés, en dehors de cela, n'entrent pas dans la zakat. Et il y a des ulama, ils disent les choses qui sont exposées pour le commerce, que l'homme possède, qu'il veut vendre. S'il a une boutique avec de la marchandise, tout cela rentre dans la zakat. Et si sa valeur, la valeur de sa marchandise, atteint ce qu'on appelle un nisab, c'est-à-dire le seuil minimum à atteindre, il en sort la zakat. Quelles que soient ces marchandises, elles sont là pour être vendues, pour en tirer un bénéfice. D'accord? Si jamais la valeur atteint le nisab, et que ce nisab, cette somme, dure un an avec la personne, il en sort la zakat. Dans tout ce qu'il vend, quel que soit ce qu'il vend, informatique, textile, alimentaire, dans le bâtiment, dans tous les domaines de vente, dans le halal bien sûr, il en sort la zakat. Tayyib. Yaqul, amma zakat al-hubub wa thimar. Donc maintenant, ce qui concerne les graines et les thimar. Les thimar, on avait dit, c'était les dattes et le raisin, selon la vie authentique. Donc leur nisab, le nisab c'est le seuil minimum à atteindre. C'est khams awsuqin. Comme on l'a dit, c'est 5 awsuq. Donc c'est quoi awsuq? C'est le pluriel de wasq. Un wasq c'est une dose. Et c'est quoi un wasq? Un wasq ça équivaut à 60 sa'. 60 sa'. C'est quoi un sa'? Ceux qui suivent, qui ont appris les règles de la zakat, zakat al-fitr après Ramadan, ils savent c'est quoi un sa'. Un sa', c'est une mesure qui se fait avec les mains. Un sa', c'est 4 puisées de 2 mains d'un homme de taille normale. Il prend ses 2 mains ensemble, il les lie ensemble, et il puise une chose avec ce qui va en sortir dans ses 2 mains, ce que ça s'appelle, il le fait 4 fois, cette quantité-là s'appelle un sa'. D'accord? Ça s'appelle un sa'. Donc là, un wasq, c'est 60 sa'. Un seul wasq, c'est 60 sa'. Donc celui qui atteint en fait 5 sa'uq et un sa'uq 60 sa', d'accord, celui qui a 5 sa'uq de ces choses-là, blé, orge, datte et raisin sec, d'accord, s'il atteint cette quantité-là, alors lui, il doit en sortir la zakat. Donc en tout, 5 awsuq, ça équivaut à 300 sa. Puisque un sa'uq, c'est 60 sa. Donc 5 sa'uq, c'est 300 sa. Maintenant, je sais que ça peut paraître comme ça sur le moment difficile, parce que c'est les choses en général, les gens aujourd'hui, à notre époque, rares sont ceux qui sont là-dedans. surtout les gens qui sont en France, ils sont encore plus loin de cela, et les gens qui sont dans les villes. Généralement, la zakat qui les concerne, c'est la zakat de l'argent. Pas celle de l'élevage d'animaux ou celle de l'agriculture. Il n'y a pas beaucoup de muslims, je pense, en France, qui ont des terres et qui font de l'agriculture. Pas beaucoup. Ils sont rares. Et encore moins du raisin et des dattes en France. Mais ce sont toujours des règles importantes à connaître. De base. Donc celui qui a atteint cette dose-là, d'accord, dans ces quatre catégories d'aliments, alors il en sort la zakat. Maintenant, c'est quoi la dose de cette zakat? C'est quoi la dose? La quantité à en sortir? Il y a une condition à prendre en compte, c'est si jamais ces champs, c'est lui-même qui les a arrosés de sa main, c'est-à-dire qu'il a ramené de l'eau et qu'il les a arrosés lui-même de sa main, alors il en sort la moitié du dixième. Ça veut dire qu'il divise la quantité de sa récolte en 10, il la divise en 10, il en prend un dixième, et ce dixième, il le divise en 2. Et ce qui va en résulter, c'est ça qui donnera en zakat. Ça, dans le cas où c'est lui-même qui arrose ses champs. Maintenant, si ses champs sont arrosés naturellement par les pluies ou par des sources, des rivières qui coulent à côté, alors il en sort le dixième. Il divise sa récolte en 10, et ce dixième, il le sort et le donne en zakat aux gens qui sont concernés, qu'on citera à la fin du verset, inshallah. Donc bien différencier entre ce qui a été arrosé de la main de l'homme par un travail qu'il a fait lui-même, de l'eau qu'il a ramené lui-même, et ce qui a été arrosé de façon naturelle sans cause de sa part. Il y a une différence. D'accord ? Summa shay akhar yunabbah alayhi, c'est que ces aliments-là, on n'attend pas un an pour en sortir la zakat. C'est dès que la récolte elle apparaît, on en sort la zakat. Contrairement à ce qui est lié au bétail et à l'argent, qui doit attendre un an. Là, ces quatre choses-là qui sont l'orge, le blé, les dattes et les raisins secs, on n'attend pas un an. C'est dès que lui, il cultive ses champs et que la récolte, elle apparaît, c'est de là qu'il sort sa zakat. Si jamais ça atteint le seuil qui est, combien on a dit, qui est 5 aousok, qui équivaut à 300 sa. D'accord, 300 sa. Là, c'est pas en kilos, les frères et les sœurs. C'est en mesure. Un sa. Un sa, on expliquait c'était quoi. Et aujourd'hui, il existe des objets. En Yémen, on les a, mais en France, je sais pas s'ils les ont. Des boîtes de conserve de produits particuliers dont le contenu équivaut à un sa. Non, ici, on peut faire un sa sans avoir une femme ou un homme qui est petite taille ou un enfant. Le sa, s'il achète ses boîtes de conserve, il puise avec, il a un sa. En France, je sais pas s'il y a des objets équivalents parce qu'à la base, il n'y a pas le sa en France. C'est une mesure qui n'existait pas chez les Français en général. Ça, c'est chez les Arabes auparavant. Peut-être dans les pays du Maghreb, on va trouver. Mais en France, je pense pas que vous allez trouver ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait directement avec nos mains. Et un homme doit les faire. D'accord? Taille. Donc, si jamais ces récoltes atteignent cette quantité-là, alors il en sort la zakat. Si ces récoltes, elles sont tous les 6 mois, il les sort tous les 6 mois. Si ces récoltes, elles sont tous les ans, il les sort tous les ans. Si elles sont tous les 1 an et demi, c'est tous les 1 an et demi. C'est dès que la récolte, elle apparaît, c'est là qu'il sort. D'accord? Dès que la récolte, elle apparaît, c'est là qu'il en sort la zakat. Non. Donc là, on a fini en ce qui concerne al-thimar ou al-hubub. Ensuite, amma zakat al-mawashi. Donc maintenant, c'est par rapport au bétail. Là, il a bien le hadith. Il a parlé des chameaux. Et on a expliqué qu'il n'y a pas que les chameaux, en fait. Le hadith, là, il est résumé, mais dans la lettre de Abu Bakr al-Siddiq, tout est cité en détail. Mais l'auteur, elle a voulu prendre des hadiths courts et concis. Et la lettre d'Abu Bakr al-Siddiq, elle est un peu longue. D'accord? Et en plus, la lettre d'Abu Bakr al-Siddiq, c'est pas un hadith. Elle est authentique. Le jugement, il est effectif. Mais ce n'est pas un hadith de la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'auteur veut dans ce livre, c'est les hadiths. Ce qui a été prononcé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi la lettre d'Abu Bakr n'a pas été citée ici. D'accord? Donc, il parle. Déjà, en premier lieu, celui qui élève des chameaux. S'il a moins de 5 chameaux, il n'y a pas le zakat. Comme ça, c'est réglé. S'il en a 5, d'accord? S'il a 5 chameaux, c'est quoi la zakat? S'il en sort une brebis. Si les 5 chameaux, ils ont fait un an avec lui, donc il en sort comme zakat une brebis. D'accord? De 5 à 25 chameaux, s'il possède 25 chameaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en sortir ce qu'on appelle bint machad. Bint machad. C'est quoi bint machad? C'est la chamelle qui a dépassé les 1 an, qui rentre dans la deuxième année, et dont la mère de cette chamelle, est en mesure d'avoir une nouvelle portée, d'être pleine à nouveau. Soit elle est pleine, ou soit elle est en âge de redevenir pleine. D'accord? Donc ça s'appelle bint machad. Ça s'appelle bint machad. Taïeb. Ensuite, si jamais son nombre de chameaux atteint 36, attention là, ces nombres qu'on cite ici sont des nombres qui ont été décrétés par la législation. C'est pas des nombres qu'on déduit en comptant par nous-mêmes. On disait pas logique, pourquoi 25, pourquoi 36, pourquoi pas 32, non. C'est venu dans les textes comme ça. C'est 36. D'accord? S'il en a 36, après, qu'est-ce qui doit sortir comme animal de la zakat? Ce qu'on appelle bint laboun. C'est celle qui a atteint les 2 ans, qui rentre dans la 3e année, et dont la mère est apte à, elle a du lait en fait, dont la mère elle a du lait. Ce qu'on appelle bint laboun. Tout ça, c'est des termes qui peuvent paraître étrangers maintenant, parce que les vaches de chameaux, c'est vraiment pas un truc qui est en France, ma'alouf. C'est un truc qui est loin de notre culture, ma'alouf. Mais là, on prend le ders. Et peut-être qu'un jour, l'un d'entre vous sera amené à le faire, ou même à être interrogé et essayer de pouvoir répondre. La tadroun, par exemple, ici au Yémen, les chameaux, ça court les rues. Sortez de chez vous, vous allez voir des chameaux qui marchent dans les rues. Non, plutôt des dromadaires, on va dire, parce que le chameau, c'est lui qui a 2 bosses. Il y a des dromadaires, là, des fois je sors chez moi, il y a un dromadaire, il marche. Normal. C'est normal. Il y a des panneaux en France, dans les forêts, attention, vous allez voir un chevreuil ou un sanglier ou quoi qui sort de la forêt. Chez nous, c'est des dromadaires. Tu roules, tu vas voir un troupeau de dromadaires qui traverse la rue, tu t'arrêtes. Tu fais attention, ça peut faire des accidents de voiture très dangereux. Ici, ils font leur vie. C'est des élevages de dromadaires qu'il y a. Il y a des ovins, des bovins, et il y a également des dromadaires. Ils font leur vie, ils marchent. Dans la ville, comme ça, entre les maisons, ils sont là. Ils sont inoffensifs, seulement la personne. Faut pas les embêter, non plus. D'accord? Mais ils sont là. D'accord? Autant qu'en France, les gens vont voir des chiens et leur mettre dans la rue. Eh ben, ici, vous allez voir des dromadaires dans la rue, normal. Ils sont pas abandonnés, hein. Ils ont des maîtres. Mais, voilà. C'est un élevage qu'il y a ici. En Arabie Saoudite, c'est pareil, vous allez voir ça aussi. Dans les pays de la péninsule arabique, vous allez voir ça. Les dromadaires, ils se promènent dans la rue, ils ont leur champ, ils ont leur liberté. Non. C'est normal. Et il y a des panneaux de circulation qui leur sont propres. Et des lieux de passage qui leur sont propres. Taïeb. Ensuite, si jamais il atteint le nombre de 46, alors à ce moment-là, il sort ce qu'on appelle une hikka. Une hikka, c'est la chamelle qui a atteint 3 ans et qui rentre à la 4e année. Et lorsque son nombre d'animaux atteint 61, alors il sort ce qu'on appelle Jaza'a. Et Jaza'a est celle qui a atteint 4 ans. Et si jamais son nombre de chameaux atteint 76, 76, pardon, alors là, il doit donner 2 bint laboun. Bint laboun, on a dit, celle qui a atteint la 3e année et dont la mère allaite, elle a du lait. Là, il en sort 2 à ce moment-là. Et si jamais il a 91 animaux, alors là, il doit sortir 2 hikka. 2 hikka. Hikka, c'est celle qui a atteint la 4e année. Et si jamais cela dépasse les 120, d'accord, 120 chameaux, son nombre de chameaux dépasse 120 chameaux, en tout, alors pour chaque 40 chameaux qu'il aura, d'accord, chaque 40 chameaux qu'il aura, il sortira ce qu'on appelle Bint Laboun. Bint Laboun, on a dit celle qui a atteint 2 ans, hein, et dont la mère allait. Ensuite, le nisab des vaches. Vaches, bœufs, taureaux, ça rentre dedans. Yakoul fasalathun. Fiha tabi'un ou tabi'a. Lorsqu'il a atteint 30 vaches, il doit donner. Et on, bien sûr, on a dit le bétail, c'est le bétail qui aura duré un an avec lui. C'est pas dès que les 30 vaches, tout de suite, il sort. Non. Il faut que ces 30 vaches, je les ai fait un an en sa possession. Donc, s'il a 30 vaches, il sort ce qu'on appelle tabi'a. Et tabi'a, celle qui a un an. Il donne en zakat une vache de un an. S'il en a 40, il sort une moussina. Une moussina, celle qui a 2 ans. D'accord? Donc, s'il a 40 vaches, au bout d'un an, il en sort une qui a un an. Afouane, celle qui a 2 ans, afouane. Moussina, celle qui a 2 ans. Et ensuite, fi kulli thalathin, tabi'un. On fait kulli arba'in, moussina. Et ensuite, chaque 30 qui vient en plus, il donne une tabi'a. Et chaque 40, il donne une moussina. Ça se concerne les vaches. Et ça, pareil, je pense pas qu'il y ait beaucoup de moussims qui aient des vaches d'élevage en France. D'accord? Peut-être qu'il y en a pour ceux qui font boucher, qui abattent, ou qui vendent aux fournisseurs de viande. Donc, eux, ça les concerne, ce genre de règles. Mais ils sont pas nombreux, j'imagine. Amma nisab al-ghanam. Maintenant, le seuil, le nisab des ovins. Donc, le minimum, c'est d'en avoir 40. Celui qui en a 40, il sort une bête parmi elles. S'il a 40 qui ont duré un an avec lui, il en sort une. Et si jamais il en a 121, il en sort deux. Si jamais il a 121 bêtes qui font un an avec lui, il en sort deux. Et si jamais il en a 201, d'accord, qui font un an avec lui, 201 bêtes, il en sort 3. Et au-delà de ces 201, dès qu'il atteint 100 de plus, d'accord, il en sort une. Donc tout ça, ce sont des comptes qui ne sont pas mathématiques. Ce sont des comptes qui sont liés à la révélation. C'est pas quand on dit que t'en as 40, t'en sors une, quand t'en as 80, t'en sors deux. Non. C'est une 40, et pour en sortir deux, il faut que tu aies atteint 121. Donc il ne faut pas compter selon les règles de calcul logiques. Non, il faut se tenir aux règles décrétées dans la religion. Adam Muhim Tiddan. Car c'est Aboudi, c'est une chose qui est liée à l'adoration. On la suit. Comme l'ozo, on fait 3 fois, on peut faire 2 fois, on peut faire 1 fois. C'est comme ça. C'est ce nombre qui était décrété. Tout comme le Fajr, c'est 2. Tout comme c'est 2 rakat. Tout comme le Zor, c'est 4 rakat. Tout comme le Ma'a, c'est 4 rakat. Tout comme le Ma'rif, c'est 3 rakat. Le pourquoi, c'est pas, on cherche pas une logique. Ce sont les textes qui sont venus. Tant de nombres, on le fait pour que ce soit valide. Sans quoi, ce sera invalide. Et quant aux autres animaux, il n'y a pas de zakat. Comme on l'a expliqué. Les poules, les lapins, tous les animaux de ferme qu'on peut avoir, à part les porcs, bien sûr que c'est pas permis d'avoir des porcs en islam. Mais tous les autres animaux permis d'avoir en islam, d'accord, il n'y a pas de zakat. Sauf celui qui a des animaux pour la revente. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a un commerce. D'accord? S'il a un commerce, il a des animaux pour les revendre, chaque animal pour le revendre. Alors, au même titre que quelqu'un qui serait, par exemple, qui vend des ordinateurs, qui vend des voitures, ou qui vend je ne sais quelle marchandise, il compte la valeur de tout ce qu'il a, d'accord, et il en sort le quart du dixième. C'est-à-dire, il divise en 10 la valeur de ce qu'il possède, la somme de l'argent qu'il possède, et cette valeur divisée en 10, il la divise en 4. Et ce quart, il en sort l'équivalent en argent et donne en zakat. Naam. Yaqul amma nisab al-nuqud min al-fidda. Donc maintenant, concernant les monnaies, l'argent, d'accord, l'argent qu'on possède, et les monnaies diffèrent d'un pays à un autre. Cela se base sur le taux de l'or et de l'argent. Cela se base sur le taux de l'or et de l'argent. Si jamais tu as des euros, tu veux savoir c'est quoi le Nissab en euros, il faut que tu saches cette valeur en euros, elle revient à combien de poids d'argent et combien de poids en or. Et là, tu sauras la zakat. Il faut que tu sortes. Donc, il a dit, fait akalou, khams awak. Le minimum à posséder, c'est 5 awak. Et awak, c'est le pluriel de awqiyya. Et awqiyya, un seul awqiyya, ça équivaut à 40 dirhams. 40 dirhams. Ça, c'est de l'argent. Donc, 40 dirhams, c'est un awqiyya. Donc, si jamais toi, tu as 5 awqiyya, ça équivaut à combien? À 200 dirhams. Si jamais demain tu possèdes l'équivalent de 200 dirhams d'argent, tu en sors la zakat. C'est quoi, c'est quoi la valeur? Tu en sors le quart du dixième. Ça revient en fait à 2,5%. 2,5% de la somme que tu as. Comme on l'a expliqué, tu as la somme, cette somme totale qui t'a fait un an. Elle t'a fait un an la somme. Cette somme qui t'a fait un an, tu la divises en 10. Ce dixième, tu le divises en 4. Et ce quart qui en résulte, tu le donnes en zakat. Donc après, les gens vont dire, mais ça fait combien en euros? Moi, je pourrais pas vous dire ça fait combien en euros. Ça fait combien en dollars? Je ne pourrais pas vous dire ça fait combien en dollars. Ça fait combien en livres? Ça fait combien en tant telle monnaie? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de faire les calculs, les recherches, pour savoir à combien ça équivaut en or ou en argent. En or, pardon, je voulais dire, ça dépend également de la qualité de l'or. Je crois que, ce que je me rappelle de ce que l'ulama disent, ce qui équivaut à 24 carats, je crois que c'est 85 grammes d'or. Celui qui possède cela, même en bijoux, hein. Si vous possédez des bijoux en or ou en argent, on en sort la zakat. Si jamais ils atteignent le nisab et qu'ils ont duré un an avec vous, on en sort la zakat. Taïf. Donc maintenant, on va parler des gens qui méritent la zakat. وهؤلاء الثمانية المذكورين في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc il a dit les sadaqat, et là c'est la zakat qui évolue, ne sont que pour les pauvres et les démunis et ceux qui travaillent au service de la zakat, et ceux dont les cœurs sont à gagner, et pour libérer les jougs, et également ceux qui ont endossé, contracté une dette, d'accord, et également ceux qui sont sur le sentier d'Allah Azzawajal, et le voyageur perdu. Ces 8 catégories de personnes sont eux qui mettent la zakat. Donc, le faqir ou le miskin, tous les deux, ils sont à peu près pareils. Sauf que les gens disent que le faqir, il est encore plus pauvre que le miskin. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Pour au moins un an. Il n'a pas ce qui lui suffit. Et même tu as des gens qui ont de l'argent, il se peut qu'ils ont un bon salaire, mais en réalité ce salaire-là ne suffit pas à remplir les charges qu'ils ont, tant ils ont une grande famille par exemple. Donc ne pas croire que c'est forcément celui qui a pas une petite paye, ou qui a une grosse paye. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le besoin de la personne. Est-ce que ce qu'elle possède suffit à combler ses besoins vitaux? Car t'as des gens, ils ont des grosses payes, mais leur grosse paye ne leur suffit pas en réalité. Tant ils ont une grande famille. Ils ont plusieurs femmes, plein d'enfants, des gens à charge, d'accord? La paye qu'ils ont, elle ne leur suffit pas. Donc ne dis pas, Foulen, je connais, il a une bonne paye, machallah, il ne touche pas la zakat. Tu ne sais pas. D'accord? Tu ne sais pas. Donc, les pauvres et les démunis. Al-amilin aliha sont les gens qui sont embauchés par l'État pour aller chercher la zakat. Eux, ils ont embauché une part pour le travail qu'ils font, pour toucher un salaire. Après, ce salaire est décrété par le gouverneur. Même s'il est riche, hein, mais qu'il est payé par l'État pour regrouper les zakawat par le gouverneur, il sera payé par ses zakawat. Al mu'alafat kulubuhum, ce sont dont les cœurs sont à gagner. Et là, il s'agit de quoi? C'est le seul moment où on peut donner l'argent à des koufars. Par exemple, par peur d'un mal. T'as des koufars, ils sont mauvais envers l'islam, ils veulent faire du mal. Et ben, il est permis de prendre de la zakat pour leur donner afin de les repousser, repousser leur mal. Pour gagner leur cœur. C'est permis. Mais ça, ça revient au gouverneur. Ce sont les gens de décision qui reviennent au gouverneur. C'est pas toi, demain, t'as un voisin qui te fait du mal, tu dis, ah, je donne ma zakat comme si il me laisse tranquille. Là, c'est pas comme ça. D'accord? Ah, c'est pour les gens qui vont faire du mal à l'islam de façon générale. Pas à un kafir qui fait du mal à un muslim seul. Non, c'est quelqu'un qui a un poids dans le monde ou dans son pays ou autre qui peut nuire aux muslimines de façon générale. À ce moment-là, il est permis. D'accord? De lui donner la zakat. Ou alors même des gens pour les attirer vers l'islam. Mais ça, c'est une chose que notre cheikh Yahya dit que c'est, aujourd'hui, il y a plus de lieu d'être, quoi. Car l'islam est devenu fort. Lui, il voit qu'il n'y a plus besoin de le faire. Ça, c'était au moment où l'islam était faible au début. Quand l'islam est devenu fort et que les muslims peuvent se défendre, d'accord, il dit qu'il n'y a plus le faire, ça. Après, c'est une masala à divergence. Ensuite, wafi riqab. Riqab, c'est pour pouvoir libérer un esclave. Par exemple, tu as le droit de prendre l'argent de la zakat pour racheter un esclave et le libérer. Ou tout comme tu as le droit de donner de l'argent de cette zakat pour un esclave qu'on appelle le mukatib. Le mukatib, c'est l'esclave qui a conclu d'un pacte avec son maître pour travailler et se racheter. Donc lui, cet esclave, tu peux prendre l'argent, lui donner pour qu'il se rachète et qu'il se libère. Bon, aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus d'esclaves. Car les conditions pour avoir des esclaves ne sont plus réunies. Mais si demain cela venait à revenir, d'accord? Et j'ai déjà fait un audio qui explique à quel moment l'esclavage il est permis et qui peut être pris comme esclave ou pas. J'ai un audio qui est par rapport à ça pour y revenir. Si jamais cela se reproduit à nouveau, alors là, il sera permis de donner à cet esclave une somme d'argent de la zakat pour qu'il se rachète et se libère. Et on parle de l'esclave musulman. Et l'esclave qui est en mesure de se gérer. Car t'as des esclaves, si demain des ulama disent, si jamais tu le libères, il fera n'importe quoi, il sera pas se gérer. Lui, faut pas le libérer, lui. Faut pas le libérer, lui. Lui, vaut mieux qu'il reste esclave sous le joug de son maître, et son maître qui le traite bien, bien sûr, hein, il est bien traité. Car tout seul, il va faire des problèmes. Soit il est mauvais, il fait des péchés, ou soit il gère pas, il sait pas se gérer, il est irresponsable. Lui, il faut pas le libérer. Qu'il reste avec son maître, c'est mieux pour lui. Al-Gharimin, c'est lui qui a endossé une dette, l'endetté, et qui ne peut la rembourser. D'accord? Et dans le halal, bien sûr, hein, c'est pas il a pris une dette pour un truc haram, et après il n'arrive pas à rembourser. Quelqu'un qui a pris une dette, et qui n'a pas les moyens de la rembourser, lui, il a le droit de toucher la zakat. Ou quelqu'un qui aura endossé une dette pour concilier entre des groupes. Il a de l'argent, c'est quelqu'un qui a de l'argent. D'accord? Mais il voit, par exemple, qu'il y a deux groupes de musulmans qui s'entretuent. Comme dans les pays d'islam, par exemple, il y a des tribus. Il veut concilier entre deux tribus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette auprès de gens riches pour dire, je voudrais réconcilier entre telle tribu, j'ai besoin d'argent pour ça. Comme ça, il leur donne de l'argent à cette tribu-là. Après, il se calme et il y a la paix. Et ben, lui, pour rembourser cette dette qu'il aura prise, on peut donner la zakat. Ou alors, il est permis de donner la zakat pour qu'il puisse concilier entre ces deux tribus, par exemple. C'est ça le rohalim. D'accord? Et quelqu'un qui aurait contracté une dette, par contre, pour une chose qui est haram, mais qui aura fait tawba par la suite, on peut lui donner la zakat. On peut donner la zakat. S'il a fait tawba. Par exemple, quelqu'un qui s'est endetté, je sais pas, moi. Il a pris des cigarettes ou de l'alcool. Il a une dette par rapport à ça. À la base, il n'y a pas de zakat pour lui. Car sa dépense, elle est illicite. Mais ensuite, il a fait tawba de cela, une vraie tawba. Et la dette, elle est sur lui. S'il ne paye pas, il aura des problèmes. À ce moment-là, lui, cette zakat, les ulama disent qu'on peut le donner. Pour qu'il rembourse sa dette. Non. Et aussi, précision. Pour la zakat, dans ma chère, ici, ils disent, ils encouragent. Des fois, t'as déjà, ils ont une zakat. Ils la divisent en plein de personnes. Ils ont une somme, par exemple, une bonne somme. Et la divisent en 5 personnes différentes. On dit, si jamais ils font ça, c'est valide. Mais ils disent, le meilleur, c'est de trouver un pauvre et donner la somme entière qui pourrait combler ses besoins pour un an. Cela est meilleur et plus utile plutôt que donner un peu un tel, un peu un tel, un peu un tel. Ça a duré un mois, deux mois, après ils retournent dans les problèmes. Il faut mieux que tu en prennes un et tu l'aides à combler ses problèmes complètement. Un an de loyer qu'il est payé ou une dette qu'il a à payer ou tout ce qu'il a acheté pour sa famille qu'il n'a pas les moyens de faire ou quoi. Donne-lui entièrement la dette, la zakat. cela est meilleur plutôt que de donner, divisé en plein de personnes différentes qui, on va dire, prennent un peu par-ci par-là, mais qui en réalité ne comblent pas leurs besoins. Cela est mieux de faire comme ça. D'accord? Et ce qui est vraiment inutile, c'est des gens, par exemple, ils ont une zakat de 10 euros, de 100 euros, et la division 10, 10 euros à tel, 10 euros, ça sert à rien, ça. Donne 100 euros à quelqu'un directement. Et le pauvre, avec 10 euros, il va faire quoi? Ça va lui durer un jour, c'est fini. Donne les 100 euros directement. Plutôt que de donner 10, 10, 10, 10, ou diviser en 20 personnes, 5, 5, 5, 5. Non, ça sert à rien de faire ça. Ou aussi une erreur que des gens, ils font, c'est qu'ils achètent des choses et ils les donnent en marchandises. On dit non. Mat dakhalak fi hadha. Tu prends l'argent de ta zakat, tu lui donnes la somme à l'ayant droit et se débrouille. Il achète ce qu'il a acheté lui-même. Par contre, précision. Quelqu'un qui a une dette, pour le ralim, celui qui a endossé une dette pour concilier entre les muslimines, par exemple, si on sait que c'est une personne qui gère mal l'argent, on a peur qu'avec l'argent qu'on lui donne, il va le dépenser dans autre chose, alors il est permis de donner l'argent directement au créditeur, au débiteur. Maintenant, si c'est quelqu'un de raisonnable et qui ne veut pas qu'on sache qu'il a une dette ou quoi, auprès des gens, donne-lui l'argent directement et il rembourse. Mais si c'est quelqu'un qu'on craint qu'il gère mal l'argent, alors il est permis de dire cette dette, elle est de combien, auprès de qui tu l'as eu, et on va donner directement l'argent au débiteur. Non. Ensuite, il dit, fil aya, wa fi sabilillah, sur le sentier d'Allah Azawajel. Et les ulama, ils ont divergé. C'est quoi le sens de sentier d'Allah Azawajel? Et le sens authentique, c'est le djihad. Le vrai djihad. D'accord? Parce que tout ce qui est comme œuvre de bien, ça rentre, fi sabilillah. Mais est-ce que ça mérite la zakat? Construire les masajids, construire des écoles, faire des puits, faire cela, tout ça, ça rentre pas dans les choses de la zakat. Ça rentre pas dedans, en réalité. Fisabilillah, là, c'est le combattant, dans un jihad chadri, qui est dans le besoin d'être ravitaillé, qui a le besoin d'avoir de ce qu'il faut pour pouvoir accomplir sa mission, lui prend la zakat. Les autres actes de bien, ils sont pas pris en compte pour la zakat. Sans quoi, l'argent partirait là-dedans, dans plein de choses, et des gens qui méritent la zakat ne l'auraient jamais. Les gens qui mettent la zakat ne l'auraient jamais. Taïeb. Donc ça, c'est la vie authentique. Et bien sûr, le djihad, quel djihad? Litakun kalimatullahi al-uliya. Pour que la parole d'Allah, elle soit supérieure. Pas un djihad, pas un combat vain. Pour la démocratie, ou pour le pays, pour la nation, ou pour je ne sais quoi. Non. Un djihad shari. Concret. Taïeb. Et le dernier, c'est Ibn Sabil. C'est qui Ibn Sabil? C'est le voyageur. Celui qui est en voyage et qui n'est pas en mesure de poursuivre son voyage. Lui, même s'il est riche dans son pays, eh ben la zakat, il y a droit. Par exemple, il vient de France, il est parti en voyage quelque part, et là-bas, il lui arrivait des choses qui fassent qu'il n'a plus d'argent. Il ne peut pas revenir. Ou il ne peut pas aller là où il doit aller. Eh ben lui, même si on sait qu'en France, dans son pays, il a plein d'argent, mais cet argent-là, il ne peut pas l'avoir à ce moment-là, il a un empêchement, eh ben lui, la zakat, il y a droit. D'accord? Il y a droit. Même s'il est riche. Donc, la zakat, il y a des gens riches qui y ont droit. D'accord? Comme par exemple, on l'a expliqué, celui qui travaille pour le gouvernement qui ramasse sa zakat, il y a droit, même s'il est riche. Celui qui endosse une dette pour pouvoir réconcilier entre des gens, même s'il est riche, mais qu'il a pris une dette en dehors de son argent à lui, la zakat, il y a droit. Et celui qui est voyageur, qui n'a pas les moyens de repartir, lui, il y a droit. Et celui qui a une dette, il a de l'argent, mais son argent ne suffit pas à remplir sa dette, et lui aussi il y a droit. Donc c'est pas forcément que un pauvre. Où on expliquait que même quelqu'un qui a une bonne paye, mais sa paye ne suffit pas à accomplir ses besoins, il y a également droit. D'accord? Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà en gros par rapport à ce dev, ce qu'on a pris aujourd'hui qui est un peu long. Et on se contente de cela. Et aussi j'avais fait une erreur dans un dev il y a quelques années, je ne sais plus dans lequel, je me rappelle plus dans quel audio. J'avais dit que le voyageur de façon absolue a droit à la zakat. Non. Ce n'est pas tout voyageur, celui qui n'a pas les moyens de pouvoir repartir. C'est lui, et non pas tout voyageur. Donc je corrige. L'audio, je ne sais plus où est-ce qu'il est, pour que je puisse rectifier et faire un BN. Donc je le dis aujourd'hui, par rapport à cette erreur à l'époque, d'accord, que c'est le voyageur qui n'est pas en mesure de repartir, de poursuivre son voyage, même s'il est riche, lui, la zakat, il y a droit. Taïeb, donc voilà. Naktafi bidal kodr, passe par Naka ou bihamdik. لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته